peut-être il était couché, peut-être le sommeil a guetté une soirée ordinaire. Rien d'autre à raconter, quotidien hebdomadaire, un repas à la télé. Mais ce soir, il court dans la nuit, le souffle court et la pluie efface ce que ses pas peuvent laisser de traces. Et seulement sursis, un homme qui court pour que le temps passe. Est-ce une fuite? Qu'est-ce qu'il pourchasse? La fumée et trop de bruit, l'alcool et ses vapeurs qui vous donnent le vertige, les mots tiédis des menteurs, le commun oblige. Mais ce soir, il court dans la nuit, le souffle court et la pluie efface ce que ses pas peuvent laisser de traces. Et seulement sursis, un homme qui court. Est-ce une fuite? Qu'est-ce qu'il pourchasse? Une chose est sûre, il est libre ce soir. Il avait plongé la tête noyée dans son passé, les regrets qui tempêtent et ses actes manqués, ses vides et ses excès, il part tout effacer. Et ce soir, il court dans la nuit, le souffle court et la pluie efface ce que ses pas peuvent laisser de traces. Et seulement sursis, un homme qui court pour que le temps passe. Est-ce une fuite? Qu'est-ce qu'il pourchasse? Une chose est sûre, il est libre ce soir. Il court sous la pluie, l'air du fou convaincu tenace, l'air de celui qui va toucher la grâce.